Je pense à vous comme on pensera à ses gosses, comme on pense à sa famille, comme on pensera à ses proches. Je pense à vous comme si votre vie était la mienne, comme si ces mots étaient les miens et que la douleur me harcèle. Alors ce soir, je vous confie ma plus belle plume. Oui, ce soir, l'encre de Chine a remplacé l'enclume. Aucun remède peut effacer votre amertume à la manière de Beethoven sur sa sonate au clair de lune. Et tout s'assombrit quand les problèmes se pointent. Que la spirale de la vie en a plus d'un dans ses étreintes. J'avance en zigzagant parce que le vice m'attire. Mais si jamais il m'incarcère, promis je m'évade comme blessé mesrine. Je vois beaucoup trop de choses me scier les yeux. Malgré ça, je trace ma vie pour essayer de faire long feu. Comme un gosse, sourire aux lèvres. À chaque tour de manège, le quotidien est routinier comme la trotteuse de la Rolex. Sentiment mitigé, délinquant sous litige. Je vous le dis, j'ai fait mon choix là où plein d'autres ont pris du tige. Le cœur bercé par la rue, noué dans ses blocs. Chacun doit tracer sa vie, mais dure époque. On pense que tout est dur, que le fric suffit pour rêver. Que la tristesse sévit seulement les moins aisés. Une pensée pour le peuple qui veut tracer sa route. Celui qui pour aller plus vite décompte les mois avant de compter les jours. Je pense à vous comme on pensera à ses gosses, comme on pense à sa famille, comme on pensera à ses proches. Je pense à vous comme si votre vie était la mienne, comme si ces mots étaient les miens et que la douleur me harcèle. Alors ce soir, je vous confie ma plus belle plume. Oui, ce soir, l'encre de Chine a remplacé l'enclume. Aucun remède peut effacer votre amertume à la manière de Beethoven sur sa sonate au clair de lune. Si tu savais, gamin, dans quel monde tu vas grandir. Tracer ta vie là où plein d'autres vont pas la finir. Histoire de dire que le destin est éphémère. Deux énormes boules de rancune viendront surplomber l'atmosphère. Jusqu'ici tout va bien pour l'instant, l'épée sur terre. Demain la tête dans les nuages, mais les mains dans la merde. La vie t'indique la direction, mais sans boussole. Mais les sentiers sont tous ruinés, vu que la rue est classée hors norme. N'oublie jamais ce que les anciens te disent. Ces mots que tu retiens ont un grand rôle dans tes péripéties. Surtout, battre le fer tant qu'il brûle. N'attends pas la solution, car entreprendre sera ta seule issue. Je sais que tu m'écoutes avec grande attention. Plus le temps passe et plus les jours se comptent en bifton. Avoir l'inconnu comme seul repère, c'est comme retirer un enfant à la hache dans le ventre d'une mère. Je pense à vous comme on pensera à ses gosses, comme on pense à sa famille, comme on pensera à ses proches. Je pense à vous comme si votre vie était la mienne, comme si ces mots étaient les miens et que la douleur me harcèle. Alors ce soir, je vous confie ma plus belle plume. Oui, ce soir, l'encre de Chine a remplacé l'enclume. Aucun remède peut effacer votre amertume à la manière de Beethoven sur sa sonate au clair de lune. La vie sur terre n'est jamais celle que l'on attend. On veut tous gagner du fric et ça sans se faire grincer les dents. Les derniers maîtres me rappellent qu'au West Indies la vie est dure et que le peuple nage dans une grande convalescence. Je fais l'autopsie d'un lieu soi-disant paradisiaque, là où les prix grimpent de manière faramineuse. Pour cause, un niveau de vie un peu trop luxueux. Une grosse baraque avec piscine, loin des endroits douteux. Personne ne devrait vivre sous le seuil de pauvreté. Les faits sont là, l'État n'est pas alarmé. Pourtant, revendiquer est la meilleure de leurs actions. Mais pour certains, c'est comme uriner dans un violon. Ils nous empoisonnent avec leurs pesticides. Détruisent nos terres, on peut plus cultiver nos racines. Un état d'esprit indigne de l'être humain. La non-assistance est un crime qu'il faut bannir de leurs mains. Je pense à vous comme on pensera à ses gosses, comme on pense à sa famille, comme on pensera à ses proches. Je pense à vous comme si votre vie était la mienne, comme si ces mots étaient les miens et que la douleur me harcèle. Alors ce soir, je vous confie ma plus belle plume. Oui, ce soir, l'encre de Chine a remplacé l'enclume. Aucun remède peut effacer votre amertume à la manière de Beethoven sur sa sonate au clair de lune. Je pense à vous comme on pensera à ses gosses, comme on pense à sa famille, comme on pensera à ses proches. Je pense à vous comme si votre vie était la mienne, comme si ces mots étaient les miens et que la douleur me harcèle. Alors ce soir, je vous confie ma plus belle plume. Oui, ce soir, l'encre de Chine a remplacé l'enclume. Aucun remède peut effacer votre amertume à la manière de Beethoven sur sa sonate au clair de lune.